Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 24 octobre 2020. Voici les grands titres de cette grande édition. La profondeur du lac Tanganyika est suffisante pour exploiter la voie maritime dans le transport des personnes et des marchandises. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire exécutif du corridor central ce vendredi lors de l'ouverture du bureau de liaison de l'autorité portuaire tanzanienne à Bujumbura. Et le directeur du département de la pharmacie, du médicament et du laboratoire suggère à la mutuelle de la fonction publique d'expliquer davantage aux professionnels de santé et aux affiliés le bien fondé de sa décision de diminuer la palette des médicaments. Emmanuel Wamenye-Kanye s'exprimait lors d'une synergie des médias ce jeudi. Et le maire de la ville de Bujumbura a annoncé ce samedi que les commerçants du marché de Kamenge qui a pris feu dernièrement seront relocalisés sur le site situé entre la 11e et la 12e avenue dans la zone de Chibitoke. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. La profondeur du lac Tanganyika est suffisante pour exploiter la voie maritime dans le transport des personnes et des marchandises. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire exécutif du corridor central ce vendredi lors de l'ouverture du bureau de liaison de l'autorité portuaire tanzanienne à Bujumbura. Dieudonné Dukundane estime que l'exploitation efficace de la voie multimodale pourra booster l'économie du Burundi. Suivez-le. Le transport maritime est analysé sous deux ou trois volets. Il y a d'abord l'aspect portuaire, il y a aussi la voie d'eau. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les voies d'accès à ces ports. Jusqu'à présent, nous avons un lac Tanganyika dont la profondeur ne cause pas de problème de façon générale. Quand vous le comparez aux autres lacs, les profondeurs sont suffisantes, les opérateurs maritimes sont à l'aise. Là où on a des problèmes, c'est peut-être à l'approche des ports à cause de l'ensablement, mais les opérations de dragage qui ont été faites à Bujumbura, à Kigoma et à Karundu, bientôt à Murungu, permettent à ce que les gens puissent faire la navigation en toute sécurité. Alors, maintenant, concernant les voies d'accès, la question suivante qu'on se pose, c'est ce port va accueillir les marchandises et acheminer par quelle voie? Par exemple, Kigoma, qui est un port qui alimentait les autres, il était traditionnellement alimenté par voie ferrée et à écartement métrique, qui a connu des problèmes dans les années 2005-2010, mais la Tanzanie y vient d'y investir 190 millions de dollars pour la réhabilitation. Au moment où on parle, il y a des trains qui viennent à Kigoma. Peut-être ils ne sont pas en nombre suffisant pour acheminer toute la marchandise, mais on s'achemine vers là. Donc je pense qu'il y a un problème de capacité, c'est vrai, dans les services ferroviaires, mais aussi dans les services maritimes. Parce qu'en analysant la flotte ici au Burundi, et je pense que le Burundi dispose seulement de deux bateaux qui peuvent transporter des conteneurs. Un qui en amène 40 et un autre qui en amène, je pense, autour de 20, je ne me rappelle pas. Alors quand vous avez une capacité de transporter 50 conteneurs seulement, ça veut dire que même les deux bateaux ne peuvent pas amener la charge qui est amenée par un bloc train. Parce que deux blocs très amène facilement 1600 tonnes, donc autour de 40 wagons. Compte tenu des investissements en infrastructures qui ont été réalisés, il y a moyen que les opérateurs économiques s'y lancent pour investir dans les moyens de transport additionnels. C'était Dieudonné Dukundane, le secrétaire exécutif du corridor central. Nous reviendrons sur quelques autres éléments du commerce dans ce journal. L'avenir du Burundi dépendra de la bonne santé des Burundis et la formation de la jeunesse en vue de rendre meilleure cette terre. C'est une déclaration du président burundais ce vendredi en commune de Mutaho lors de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Ntuzokwigira tuvuga kazoza ku Burundi kwiyobagije amagara y'abantu ubumenyi mu gwaruka n'ibidukikije. On ne parlera jamais l'avenir du Burundi. On se méfie à la santé publique, l'enseignement et l'environnement. Point de développement du pays si l'on a faim. On ne peut rêver un développement durable sans former la jeunesse sur comment rendre meilleure cette terre. Notre objectif est de faire face à la pauvreté. Aujourd'hui, on s'est réunis ici pour méditer comment bien se nourrir et nous sommes tous conscients que ventre affamé n'a point d'oreille. Je vais vous raconter une histoire. Un chien et une chèvre ont organisé un voyage commun. Au cours du chemin, ils ont eu la faim. La chèvre est arrivée quelque part où il y avait des herbes vertes Il a commencé à brouter alors que le chien assistait. La chèvre s'est rassasiée et il a continué le chemin avec le chien affamé. De la même manière, chaque fois que la chèvre arrivait où elle trouvait des herbes, elle s'arrêtait pour brouter alors que le chien crevait de faim en attendant. Plus loin dans la forêt, ils ont été attaqués par les loups. Et comme vous le savez, le loup ne mange pas le chien. Il s'en est pris à la chèvre qui criait au secours. Et le chien à son tour de dire « Moi, je peux plus t'aider, je crève de faim. » C'est pourquoi nous sommes ici pour discuter ensemble comment lutter contre la faim, afin de se secourir mutuellement tous étant rassasiés. Umunsi twakoranye kugira ngo twige ikibazo cy'inzara bishobore gutabara na twese duhaze. Je vous l'avais annoncé dans les titres, la mutuelle de la fonction publique devrait expliquer aux professionnels de santé et aux affiliés le bien fondé de la décision de diminuer sa palette de médicaments. C'est un souhait exprimé par Emmanuel Evamenye Kanye, directeur du département de la pharmacie du médicament et du laboratoire, lors d'une synergie de médias ce jeudi. Dans leurs interventions à cette émission, certains affiliés à la mutuelle de la fonction publique ainsi que le porte-parole du cadre des malades avaient soulevé des inquiétudes à propos de cette mesure. Les détails avec Lydie Gahimbari. Au cours de cette synergie des médias, certains affiliés de la mutuelle de la fonction publique déplorent le manque de médicaments prescrits par un docteur et par conséquent, ils reçoivent des équivalents par de différents pharmaciens suite à la réduction de la liste des médicaments selon eux, selon certaines. Même si on a la prescription médicale, on essaie de chercher les médicaments dans les différentes pharmacies, mais en vain. On est obligé de payer 100% pour avoir des médicaments. On nous dit souvent que certains médicaments ont été rayés de la liste par la mutuelle de la fonction publique et nous sommes contraintes de partir avec les équivalents. Nous avons besoin de prendre des médicaments suivant la prescription du docteur. Ça peut arriver qu'on cherche des médicaments dans les pharmacies de la mutuelle, mais qu'on ne le trouve pas. Mais quand on sera chez les privés, on trouve que ces médicaments sont en abondance. Alors pourquoi cette disparité? Le porte-parole du cadre d'expression des malades au Burundi, Semabu en sigle, Sylvain Bizimana, lors de cette émission, a soulevé la question du prix élevé qui ne coïncide pas avec la qualité des soins reçus. À ma cotisation, ils ne s'intéressent plus à nos cotisations. Les affiliés de la mutuelle continuent à contribuer comme d'habitude, alors que nous subissons des soins qui ne coïncident pas avec l'argent que nous contribuons. Cependant, Emmanuel Bamenye Kanye, directeur du département de la pharmacie, du médicament et de laboratoire au sein du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, dans cette synergie des médias, a indiqué que le gouvernement est à l'œuvre pour la gestion du prix des médicaments afin d'éviter des spéculations. Ce responsable a également exprimé un souhait au cours de cette émission et a demandé à la mutuelle de la fonction publique de bien vouloir expliquer aux professionnels de la santé et aux affiliés le bien fondé de la mesure de diminuer la liste des médicaments. Nous demandons aux responsables de la mutuelle d'organiser une séance de dialogue à l'endroit des professionnels de santé et des affiliés afin d'expliquer les motivations de cette mesure. Je profite de cette occasion pour lancer un clin d'œil à l'endroit des médecins de prescrire des médicaments suivant la dénomination commune internationale au lieu de prescrire le nom de la maison de production. Ils sont appelés à donner des prescriptions précises. Par exemple, si c'est paracétamol ou ibuprofène, il faut le nommer ainsi. La mutuelle de la fonction publique a récemment sorti une mesure de réduire sur la liste des médicaments allant de 2000 jusqu'à 800 médicaments. Lydie Gahimbari. Les commerçants du marché de Kamenge qui a récemment pris feu vont bientôt être relocalisés vers le site provisoire situé entre la 11e et la 12e avenue dans la zone urbaine de Chibitoke. Annonce du maire de la ville de Bujumbura ce samedi après les travaux de nettoyage de ce marché. Jimmy Hatungimana a aussi précisé que très prochainement, ils vont aménager ce nouveau site qui va temporairement abriter ces commerçants. Donc le nettoyage, c'est aujourd'hui. Vous voyez qu'on l'a fait avec nos mains, mais ce n'est pas facile, mais nous avons quand même fait recours à des machines, à des gros engins. Et là, comme nous venons de débuter le travail, c'est un travail continuel. Alors, l'activité qui va suivre, c'est celle de délocaliser l'espace où on va mettre les gens qui ont encore quelque chose à vendre. Et comme vous le savez, la quasi-totalité de la population qui vendait ici n'avait nulle part où trouver quelque chose à manger que ce marché. Donc, c'est une activité qui sera planifiée au niveau d'un site qui a été retrouvé. Et ce site se trouve exactement à Chibitoke, entre 11e et 12e avenue. Alors, cette activité, nous devons la faire de façon à ce que la population puisse vaquer librement, c'est-à-dire on doit y mettre de l'eau, des latrines ou de lieux d'aisance, si je peux dire. Et comme ça, elles vont travailler sans problème, même si les problèmes n'en manquent pas. Alors, nous sommes en train de voir comment on va construire ce marché. Naturellement, il y avait 1650 places, mais nous comptons quand même aller au-delà, au moins 2500 places, pour que tout le monde qui vendait tout autour puisse trouver la place ici dedans. Comme ça, l'extérieur sera dégagé. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungiman. Les prix des matériaux de construction ont augmenté depuis un mois. Certains commerçants expliquent cette situation par la diminution du mouvement des importations à cause du Covid-19. D'autres parlent de manque de devises et de matières premières. Aimé Richard Nyonguru. C'est l'un des commerçants rencontrés dans un magasin des matériaux de construction au quartier asiatique à Mairie de Bujumbura qui s'inquiète du prix élevé de ces matériaux. Je suis un simple citoyen, je suis venu m'approvisionner ici et quand je suis arrivé ici au quartier asiatique, j'ai trouvé les matériaux de construction déjà augmentés de prix. Par exemple, un tube qui s'achetait à 9 000, aujourd'hui s'achète à 13 000. Une tôle qui s'achetait à 49 000, aujourd'hui nous la trouvons à 53 000. Celui-ci est l'un des commerçants détaillants à ce même endroit qui indique s'en avoir approvisionné difficilement en produits de construction car les importations prennent du temps pour arriver alors qu'ils ont payé des taxes pour toutes les marchandises, explique-t-il, craignant des spéculations. Pour ces commerçants grossistes qui commandent ces matériaux de construction à l'extérieur du pays, ces derniers devraient nous parvenir à un prix abordable. Ce qui n'est pas le cas, ça prend beaucoup de temps, ce qui peut inciter à des spéculations. Un autre commerçant qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros fait savoir que les prix de ces matériaux ont été revus à la hausse pour diverses raisons, citant entre autres le manque de la matière première pour des fers à béton, le manque de devises et le commerce transfrontalier qui n'est pas au bon fixe suite à la pandémie de coronavirus. Il ajoute également que même Moussoum Bastide, une entreprise locale de fabrication des tôles, vient de passer presque un mois sans émettre de nouveaux produits. Mais Richard Nyonguru, les déplacés qui habitent le site 6 en zone Gasegna, commune Rango de la province Kayanza, depuis la crise qui a secoué le Burundi en 1993, disent qu'ils cohabitent bien avec ceux qui sont restés sur leur colline d'origine. Rémi Chishahayo, gouverneur de la province Kayanza, lance un appel à ses administrateurs communaux pour qu'ils mènent des séances de sensibilisation auprès des habitants vivant dans des sites de déplacés pour faciliter les volontaires à rentrer dans leur ménage. Patrick Saint-Guillaume. Le site de Gasegni est l'un des quatre sites de déplacés de la commune de Rango. Il est le plus peuplé par rapport aux autres, avec environ 1500 ménages. Certains des déplacés de ce site avec lesquels nous sommes entretenus nous ont fait savoir qu'ils cohabitent bien avec ceux qui sont restés sur les collines, parmi lesquels d'ailleurs, d'après toujours ces déplacés, se trouvent ceux qu'ils considèrent comme des présumés auteurs des massacres qui ont été perpétrés à leur endroit, emportant ainsi la vie de l'heure durant la crise qui a secoué le Burundi en 1993, après l'assassinat des héros de la démocratie, le président Melchior Ndadaye. Ces informations sont aussi confirmées par Christophe Nsabimbona, chef adjoint dans ce site. Son responsable indique que l'insuffisance des séances de dialogue visant la réconciliation entre les deux parties, les séquelles liées aux crimes commis pendant la crise, le manque de moyens nécessaires pour la réhabilitation et la construction des maisons détruites pendant cette crise restent les principaux défis auxquels font face ces rescapés du site de déplacés d'Ogasegni pour pouvoir les rentrer dans leurs ménages respectifs. Les déplacés du site d'Ogasegni et ceux qui ont déjà rentré dans leurs ménages, tous demandent de l'assistance matérielle du gouvernement pour pouvoir réhabiliter leur maison. Dieu Sibaba Hukubwayo, administrateur de la commune Rango, fait savoir alors que dans le but d'augmenter le nombre de déplacés qui rentrent dans leur ménage, les séances de sensibilisation vont bientôt être multipliées. En ce qui concerne la réhabilitation de leur maison, cet administratif communal à Rango indique que la population, via les travaux de développement communautaire, participe dans cette activité, mais que les toitures de ces maisons restent toujours un problème. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva va pour la radio Isanganiro. En actualité internationale, en Guinée, ce samedi doit être annoncé le résultat global du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le dimanche 18 octobre. La Commission électorale nationale indépendante devait proclamer les résultats provisoires globaux à 11h temps universel, 13h heure de Bujumbura, dans l'enceinte du Palais du Peuple qui abrite les locaux de l'Assemblée nationale à Conakry. Avant même leur proclamation, ces résultats sont déjà contestés par l'opposition qui s'est déjà déclarée vainqueur, mais aussi par certains observateurs et membres de la CENI. Entre-temps, deux commissaires se sont retirés des travaux de totalisation des résultats. Dans ce contexte, la tension restait très vive à Conakry. L'entrée de Kaloum, le centre politico-administratif de la capitale, les entrées sont filtrées par la police et la garde présidentielle. Et le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi 23 octobre la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan, assurant que les deux pays avaient fait la paix. À Jérusalem, on indique que des délégations israéliennes et soudanaises vont se rencontrer très prochainement pour envisager une coopération dans des domaines divers. Juste avant l'annonce de cette normalisation, l'exécutif américain avait annoncé l'intention de Donald Trump d'enlever Khartoum de la liste des États soutenant le terrorisme. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a remercié Donald Trump, saluant l'impact majeur que cette mesure aurait sur l'économie soudanaise. Il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana. Et tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Elinibel Nibigira me rejoint dans son studio. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. La liberté est la règle, la détention, l'exception, titre le groupe de Presse Iwacu dans son éditorial. Après une année, jeudi 22 octobre, de la détention de ces quatre journalistes, Christine Kamikazi, Agnès Ndiroubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Bubanza à 2 ans et demi de prison pour tentative impossible de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Une infraction qui, au début, était la complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, déplore la défense dans ce journal. Après leur condamnation en appel à la cour d'appel de Nahangwa, ces quatre journalistes ont décidé de ne pas saisir la Cour suprême. Lors de sa déclaration à l'occasion de ce douloureux anniversaire, le groupe de Presse Iwacu a dénoncé cette condamnation qualifiée d'injuste et demande la libération de ces journalistes, une demande qu'il partage avec l'Organisation internationale pour la défense des droits humains, Human Rights Watch, ainsi que les associations burundaises des professionnels des médias, AFJO et ABR. Quant aux organisations Reporters sans frontières et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, elles proposent la grâce présidentielle. Vers la normalisation des relations entre le Burundi et le Rwanda, espère l'agence burundaise de presse, partant d'une rencontre mardi 20 octobre des ministres en charge des relations extérieures des deux pays à la frontière Gasenyi-Nemba. Selon le communiqué conjoint cité par l'ABP, après cette réunion qui rentre dans le cadre de la normalisation des relations bilatérales entre ces pays voisins, les deux ministres ont noté l'existence des relations historiques de ces pays ainsi que les défis auxquels ils font face depuis 2015. Le huis clos a été clôturé par une invitation pour une visite de réciprocité au Burundi du ministre Vincent Biruta de la part du ministre Albert Shingiro, rapporte l'ABP. Revue de la presse. Gratuité de l'échographie, une nécessité pour les femmes rurales, rapporte Burundi Echo. En effet, depuis le 12 octobre 2020, le centre médical Wakize, qui se trouve au centre-ville de Gitega, a organisé une campagne pour l'échographie gratuite à l'endroit des femmes rurales, selon les informations relayées par nos confrères de la radio-télévision nationale du Burundi et reprises par cet hebdomadaire socio-économique. À cette occasion, plus de 150 femmes enceintes ont été accueillies à ce centre, alors qu'auparavant, on ne dépassait pas 30 femmes enceintes par mois. La raison de cette situation est le manque de moyens financiers, a indiqué Dr Jean-Marie Hakizimana, médecin directeur du centre médical Wakize. Selon toujours lui, poursuit Burundi Echo, en organisant cette campagne pour l'échographie gratuite à l'endroit des femmes rurales, on a voulu contribuer à la promotion de la santé mère-enfant au cours de cette semaine dédiée à la femme rurale. Il demande au gouvernement d'étendre cette activité en intégrant l'échographie dans la gratuité des soins pour les femmes enceintes souffrant d'autres pathologies. Burundi Echo précise enfin que cette campagne pour l'échographie gratuite qui se déroule au centre médical Wakize va se clôturer le 27 octobre de cette année. Les parents et les enseignants sont contre l'étude matinale obligatoire, constate la voix de l'enseignant. En effet, écrit ce journal, deux semaines après la prise de décision des autorités de la province de l'éducation de la mairie de Bujumbura, qui demande à tous les écoliers et élèves d'être en classe depuis 6h30 du matin pour faire l'étude, des voix s'élèvent contre la dite mesure. Ils disent que seuls les internes en sont capables. Pour les externes, ils craignent des accidents pour les écoliers qui sont dans la rue très tôt le matin. Toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire de l'éducation, les enseignants, quant à eux, signalent qu'une étude non encadrée ou surveillée n'est pas rentable. Un enseignant propose aux autorités de demander au ministère de l'Éducation de revenir aux séances d'encadrement des après-midi sous la responsabilité des enseignants, moyennant les frais de déplacement. On termine avec la Nova qui nous rapporte l'état de l'économie familiale. En effet, écrit ce journal en ligne, d'après les données fournies par l'Institut des statistiques et d'études économiques du Burundi, Stebu, vendredi, lors de sa journée porte ouverte, 47% des ménages possèdent un téléphone portable, 5% ont un poste téléviseur, 37% disposent d'un poste de radio, enfin 22% des ménages en milieu rural contre 14% des ménages urbains possèdent un vélo. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Elini Bel Nibigira et Jean Bosco Nduimana. Restez branchés sur nos ondes, les programmes continuent. Revue de la presse.